Le dernier acte de la tragédie se déroule en Écosse, dans ou aux abords du château de Dunsinane. Tandis qu'un médecin interroge une servante sur l'état de santé de Lady Macbeth, celle-ci apparaît, en état de somnambulisme, et l'entend clamer. Il y a toujours une tâche. Va-t'en, tâche damnée, va-t'en, dis-je. Une, deux. Alors il est temps de faire la chose. L'enfer est sombre. Fille, monseigneur, fille, un soldat avoir peur. À quoi bon redouter qu'on le sache, quand nul ne pourra demander compte à notre autorité? Pourtant, qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de sang? Le baron de Fife avait une femme. Où est-elle à présent? Quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres? Assez, monseigneur, assez. Vous gâtez tout avec ces frémissements. Il y a toujours l'odeur du sang. Tous les parfums d'Arabie ne rendraient pas suave cette petite main. Oh, oh, oh. Lavez vos mains. Mettez votre robe de nuit. Ne soyez pas si pâle. Je vous le répète, Banquo est enterré. Il ne peut pas sortir de sa tombe.